Qu'est-ce tu veux de plus? Faut pas venir protester. On donne ce qu'on a à donner, quitte à y rester. Qu'est-ce tu veux de plus? On n'oublie pas le prix du respect. On sait ce qu'on a à faire, faudrait pas venir nous tester. Qu'est-ce tu veux de plus? Nous mettre des barrières qui t'en empêchent. Mais sache que c'est jusqu'au bout qu'on gardera la qu'est-ce pêche. Qu'est-ce tu veux de plus? Mais qu'est-ce tu veux, putain, mais qu'est-ce tu cherches? Tu veux notre perte, mais on t'entendra pas la paire. Qu'est-ce tu veux de plus? Ce coup-ci, je crois que j'ai tout donné. Et au pays où on en est, faut pas abandonner. C'est inscrit dans mes écrits, c'est pour les ganaches aigris qui traînent dans les endroits trop bétonnés. Ma voix blesse, blesse et se fait de belle entaille. C'est bel et comme si minable au Ballantyne. On veut pas le monde, mais juste une parcelle. Comme ça, l'équipe, on est au cœur d'Aïn à Marseille. À qui je m'adresse? À ceux qui nous comprennent. Aux 1330 qui crèchent à la même adresse. Mais pour moi, c'est sûr, faut être en haut et loin des moisissures. Que Dieu pardonne toutes mes maladresses. Je donne mon cœur qui t'aime en coup. Belle souffle, le monde estonne mais stagne car le peuple souffre. Nos armes faut les brandir, envie de pérennité. À nous grandir dans le calme et la sérénité. Qu'est-ce tu veux de plus? Faut pas venir protester. On donne ce qu'on a à donner, quitte à y rester. Qu'est-ce tu veux de plus? On n'oublie pas le prix du respect. On sait ce qu'on a à faire, faudrait pas venir nous tester. Qu'est-ce tu veux de plus? Nous mettre des barrières qui t'en empêchent. Mais sache que c'est jusqu'au bout qu'on gardera la qu'est-ce pêche. Qu'est-ce tu veux de plus? Mais qu'est-ce tu veux, putain, mais qu'est-ce tu cherches? Tu veux notre perte, mais on t'entendra pas la perte. Mais qu'est-ce tu veux de plus? T'attends quoi de ma part? Que je fasse un braquage? Tu plies sous le poids de ma cage? Tu voulais qu'on se cache face aux réalités? Y'a que le cash qui est calme, Beretta, v'là de la qualité. Tu voudrais peut-être que j'agisse comme une pute ambulante? Ou préférais-tu que je parte agonisant dans une ambulance? Tu voudrais me voir rendre l'âme? Que je trahisse mes frères? Que je sois plus fier et que je rende l'âme? Tu voulais quoi encore? Qu'on soit sous le règne, qu'on se tienne au rêve. Tu voudrais qu'on se donne alors qu'on a plus de rêve. Grève de mots générés par un sale monde. V'là la bombe, street album et la vision d'un sale monde. Tu m'emboucanes et tu vois pas qu'il y a rien de bon dans nos vies, ni dans nos vies, et que la haine s'entend dans nos voix. Tu voulais quoi? T'espérais quoi? Tu croyais qu'on allait céder, baisser la tête, faut même pas y croire. Qu'est-ce tu veux de plus? Faut pas venir protester. On donne ce qu'on a à donner, quitte à y rester. Qu'est-ce tu veux de plus? On n'oublie pas le prix du respect. On sait ce qu'on a à faire, faudrait pas venir nous tester. Qu'est-ce tu veux de plus? Nous mettre des barrières qui t'en empêchent. Mais sache que c'est jusqu'au bout qu'on gardera la qu'est-ce pêche. Qu'est-ce tu veux de plus? Mais qu'est-ce tu veux, putain, mais qu'est-ce tu cherches? Tu veux notre perte, on t'entendra pas la paix. Mais qu'est-ce tu veux de plus? On te donne déjà ce qu'on a à donner. Bien obligé de charbonner, au bonheur, je suis pas abonné. C'est pas grave, de casse. On coulera pas comme Maradona. On chingue sous les bonnets, les MC jouent les Madonna. Donc y'a grave, de casse. Je m'en bats la race, moi j'y crois encore. On te laisse la liesse et les liasses, tu veux quoi encore? Tu veux qu'on soit en tort? Qu'on vive dans le passé, qu'on s'arme et qu'on se mitraille. Parce qu'on gêne et qu'on roule pas en Porsche. Qui se torche? Tu leur diras que je suis pas de la partie. Je suis tellement allé loin que j'ai l'impression que je suis déjà parti. Auteur pensée sincère, plein de sueur en concert. Tueur d'instrumental, fume le rap jusqu'au cancer. C'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on a, alors on s'en sert. Alors ici on se serre les coudes et là on s'en sort. Et tu veux quoi encore? Tu voudrais peut-être qu'on passe des mois en tol. Qu'on perde la forme, qu'on fasse quoi encore? Qu'est-ce tu veux de plus? Faut pas venir protester. On donne ce qu'on a à donner, quitte à y rester. Qu'est-ce tu veux de plus? On n'oublie pas le prix du respect. On sait ce qu'on a à faire, faudrait pas venir nous tester. Qu'est-ce tu veux de plus? Nous mettre des barrières qui t'en empêchent. Mais sache que c'est jusqu'au bout qu'on gardera la qu'est-ce pêche. Qu'est-ce tu veux de plus? Mais qu'est-ce tu veux, putain, mais qu'est-ce tu cherches? Tu veux notre perte, mais on t'entendra pas la paix. Qu'est-ce tu veux de plus? Qu'est-ce tu veux de plus? Nous mettre des barrières qui t'en empêchent. Mais sache que c'est jusqu'au bout qu'on gardera la qu'est-ce pêche. Qu'est-ce tu veux de plus? Mais qu'est-ce tu veux, putain, mais qu'est-ce tu cherches? Tu veux notre perte, mais on t'entendra pas la perche.